Claude Milambo, le chevalier de la parole. Christian Ingani, l'homme à battre. Le PDG lui par Télémy m'a pas mou. DDP Gaïa Edgar Mopreso, Konzo le libérateur. Oza zombi, oza na yo de kila, oza mono kinanga, nana ya taweli bine. Oza zombi, oza na yo de kila, oza mono kinanga, nana ya taweli bine. Metu melesa, ndo popa me sangila. Imenye! Bebe mondongo akoma malere, akoma na e azanga po baseka. Laurence, Christian Okongu oh. Oza zombi, oza na yo dragila, oza mono kinanga, nana ya taweli nye. Mokonzi, mwene Mike Deni, Joanina Denise, my son Ingrid Dadu. Yo mata musto de tolo, se tolo.